Ça y est, on l'a foutu en l'air cette année 2020. Je vous souhaite tout d'abord, de la part de toute l'équipe de la Saga des Fab Four, une très très bonne année 2021. J'espère qu'on va en faire des sagas pendant toute l'année, je ne sais pas combien. Il paraît qu'on arrivera à la 500e vers le mois de juin. Espérons que ça sera comme ça. J'espère que ce ne sera pas toujours en confiné, mais on verra bien. Bref, je vous souhaite le meilleur possible et voici une nouvelle saga. La saga, c'est la saga numéro 478. C'est pour couvre-feu, puisque je n'ai pas le droit d'aller à la radio. Le couvre-feu commence à 20h et mon émission commence à 20h. Néanmoins, on est actuellement, au moment où vous ouvrez le podcast, le 6 janvier 2021. Il est 20h, donc vous écoutez comme moi ce que j'ai pu enregistrer à l'instant. Je suis en train de l'enregistrer. C'est le home recording numéro 19. L'album de la semaine, c'est Back to the Egg. Ah ouais, quand on fait une rentrée, j'adore mettre Back to the Egg. Vivement le coffret Back to the Egg. Il paraît qu'il y a des problèmes juridiques qui font que les 50 ans du coffret ont été retardés. J'espère que ça se résoudra et j'espère qu'on aura ce coffret parce que j'adore cet album. C'est un chef-d'œuvre oublié par l'auteur lui-même. Voilà. Donc c'est Back to the Egg en 1979. On écoutera forcément Reception et Getting Closer. Il y aura We're Open Tonight, Old Siam Sir, Arrow Through Me, To You. So glad to see you here. Vous pensez bien que j'allais pas passer à côté. Et Baby's Request à la fin. Il y aura également du Lennon, du Harrison et des Beatles parce que pour les cinq premières, on écoutera du McCartney. Pour Lennon, ce sera Bless You sur l'album Walls and Bridges. Et puis, j'avais envie de vous faire la comparaison. All Things Must Pass, la version que vous connaissez de 1970 avec Spector, et la version 2020, sortie en 2020, mais l'album va ressortir en 2021, là, cette année. All Things Must Pass avec, on enlève ce qu'a fait Spector, et la version est plus pure. Je vais mettre les deux côte à côte, ce sera bien. Et pour les Beatles, ce sera Something. Voilà, pour le menu, restez bien calés sur le podcast. En principe, RIG, c'est 90.7 et www.rigfm.fr. On met nos radios à l'heure. Reception, c'est maintenant. Et Getting Closer juste après, l'album Back to the Egg. Bonne soirée. What did you do when you made the deputy sheriff? Well, we were after a man who was apparently had been doing something pretty desperate. Keep my windscreen wide. En 1979, il y a du punk un peu partout et McCartney fait le contrepoids, l'inverse disons. Il fait un album résolument rock et vachement bien. Back to the Egg. Ambiance douce. Bless You, John Lennon, dans la saga des Fab Four. Deep end. Alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Le travail de Phil Spector sur cet album-là est fabuleux. La chanson est très très belle comme ça. Mais si on enlève le boulot de Phil Spector, voici ce que va nous promettre l'album qui va ressortir, que je vais encore acheter pour la saga et pour mon plaisir personnel de toute façon. Voici All Things Must Pass, la même chanson, mais débarrassée du boulot qu'a fait Phil Spector. Le diamant est encore plus beau. Je sais pas vous, mais moi je suis impatient que l'album sorte pour pouvoir l'écouter en entier, parce que qu'est-ce que ça va donner Wawa par exemple, avec moins de murs de son. Je sais pas, on verra bien. Allez, donnons un petit clin d'œil et souhaitons une bonne année à Lovely Rita, qui est celle qui nous permet de tout savoir sur les Beatles, hein, n'est-ce pas ? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Évidemment, les tournées de John et Paul, et de, plutôt de Paul et Ringo pour l'instant, ben, pas encore. Mais ça reviendra. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Je l'ai dit régulièrement, à ce niveau-là, George Harrison était arrivé au même niveau que Paul et John, au niveau de la beauté de ses compositions, parce que Something est une grande chanson, une des plus reprises des Beatles d'ailleurs, et une chanson pour bien prouver qu'il était arrivé au niveau de Paul et John. Une chanson qui avait fait dire à Frank Sinatra, lorsque John Lennon est mort, « Je vais chanter pour John une des plus belles chansons de John Lennon et Paul McCartney, Something ». Erreur, Monsieur Sinatra, cette chanson est signée George Harrison. On revient à l'album de la semaine, on est ouvert ce soir, We're Open Tonight, dans la saga des Fab Four. We're open tonight for Ça fait très BD ça, hein. Enfin BD, même dessin animé d'ailleurs. Scouse the Mouse, qui aurait dû sortir en 1977, et qui officiellement n'est jamais sorti. Je ne vous dis donc pas d'où me vient cette chanson. Celle-ci est sortie officiellement en 1975 sur l'album Rock'n'Roll. Monsieur John Lennon, Stand By Me. Au début, je croyais que c'était de lui cette chanson. C'est cette version que j'ai entendue en premier. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Stand by me. And darling, darling, stand. Mon petit clin d'œil à l'actualité, c'est le dernier album, le nouvel album. Je n'aime pas dire le dernier, parce qu'on a l'impression que ben, il n'y en aura pas d'autres après. Non, c'est le nouvel album de Paul McCartney, McCartney 3, qui clôt 50 ans de McCartney en solo, enfin, qui a fait l'album tout seul, c'est ce que je voulais dire. Par exemple, le premier album McCartney en 70, il l'a fait tout seul, ça a marqué la fin des Beatles pour lui. Le deuxième album en 1980, McCartney 2, ça a marqué la fin des Wings, même si officiellement les Wings ont duré un petit peu plus longtemps que ça, mais on le voit par rapport aux albums, il n'y a pas eu d'autres albums Wings après. Et puis McCartney 3, alors là c'est pas parce qu'il arrête d'être McCartney, il est toujours McCartney, Paul McCartney, mais il était confiné, il était chez lui, et comme chez lui il a un studio d'enregistrement, et comme Monsieur McCartney ne sait pas ne rien faire, il s'est amusé à faire de la musique, a-t-il dit au départ, et puis il s'est rendu compte que, ben, après tout faire de la musique, il pouvait peut-être le sortir l'album, ça s'appelle McCartney 3. Voilà un morceau que j'aime beaucoup, Lavatory Lil, dans la saga des Fab Four. Look out for Lavatory Lil. You think that she's a winner when she's cooking you your dinner, but she really moving in for the kill. Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. She says it's honky dory when she's telling you a story, but she really thinks you're making her ill. Lavatory Lil. Saw it coming at you, you can look the other way, but it isn't easy when she rolling in the hay. McCartney en solo, comme depuis 1980. Mais bon, je vous propose de revenir juste un poil en arrière, puisque Noël n'était pas si loin. Voici les Beatles qui nous chantent « Christmas time is here again ». It's a Blanzy remix, page 444. Christmas time is here again. Christmas time is here again. McCartney here. I'd just like to wish you everything you wish yourselves for Christmas. This is John Lennon saying on behalf of the Beatles, have a very happy Christmas and a good new year. George Harrison speaking. I'd like to take this opportunity of wishing a very Merry Christmas, listeners everywhere. This is Ringo Starr, and I'd just like to say Merry Christmas and a really Happy New Year to all listeners. And Christmas time's o'er, and your bonny clay is through. I'll be bristling to you, people. All the best from me to you. When the beastie drag on mutton to the hill in the lane, I'll be strutting out my tether to your arms once back again. Buck away, you boy. Si vous êtes fidèle à la saga des Fab Four, vous savez qu'au mois de décembre, en général, je passe toujours à un moment donné ou un autre les petits disques qu'ils envoyaient à leurs fans, qui étaient prévus que pour eux, des sortes de parodies, des sortes de... Comment on appelle ça déjà ? Le nom ne me vient pas. C'est un truc bien précis qui s'appelle en Angleterre. Ma fac d'anglais est tellement loin que je ne sais plus. Enfin bref, c'était des petits gags, des petits trucs comme ça, des chansons, des bouts de trucs pour fêter Noël. Et cette année, je ne l'ai pas fait parce qu'en mode confiné, je n'ai pas vraiment eu l'idée, pris le temps, etc. Donc, c'est tout un petit rappel. On fera ça au Noël prochain en espérant qu'on sera plus confiné. Hein. On revient à l'album de la semaine. Old Siam, Sir, ça va faire du bruit, monter le son. Yeah.

hard to tell. Whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Extrait du premier album des Beatles, Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs, dont celle-ci, Do You Want to Know a Secret, une chanson qui avait été inspirée par un conte de... une chanson plutôt de La Belle au Bois Dormant, voilà ce que je voulais dire. Et puisqu'on est dans les contes, tout à l'heure, quand je vous ai parlé des messages que les Beatles envoyaient aux fans pour Noël, c'est de la pantomime, c'est le mot que je cherchais qui ne me revenait pas, et puis pendant l'écoute des chansons suivantes, c'est revenu. C'est ça, mon ordinateur commence à être âgé, mais il est toujours en recherche, hein, c'est ça. Et ça fait 37 ans que je fais cette émission, puisqu'on est en 2021 maintenant. 37 ans, j'ai de la peine à y croire, et pourtant c'est vrai. La plupart d'entre vous êtes, enfin je parle des fidèles, vous êtes à l'écoute depuis peut-être une dizaine d'années, puisque ça fait, je crois, 15 ans ou 16 ans que je suis sur RG. RG, oui, c'est 90.7 ou www.rgfm.fr. Mais pour l'instant, on est en mode couvre-feu, donc le mercredi soir à 20h, je ne peux pas venir. C'est pour ça que je vous enregistre l'émission à la maison et je vous la propose sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Et si vous écoutez, c'est que vous êtes au courant de tout ça. John Lennon nous proposait en 1980, c'est paru en 1984 sur l'album Milk and Honey, de sortir dehors. Je vous conseille de faire ça, c'est bien. Il faut sortir un petit peu, il ne faut pas rester tout le temps enfermé à la maison. I'm stepping out dans la saga des Fab Four, c'est maintenant. One, two, three, four. This here's the story about a house husband who, you know, just has to get out of the house. He's been looking at the kids for days and days. He's been washing the dishes and screwing around and watching Sesame Street till he's going crazy. Woke up this morning. We'll be right back.

biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. You can never tell. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies. Then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. Nous sommes en 1965 sur l'album Help, Act Naturally. Ringo Starr en fera une reprise en 1989, je crois, dans un clip où il est habillé en cow-boy avec Buck Owens. C'est assez mignon, c'est encore plus country que là sur cette version-là, et c'est vraiment très très bien. L'album de la semaine, c'est Back to the Egg, sorti en 1979, et j'espère qu'il y aura un coffret cette année, peut-être l'année prochaine. On aura dépassé les 50 ans, mais c'est pas grave, un coffret, ce serait vraiment très bien pour ce chef-d'œuvre qu'est Back to the Egg. Voici A Row Through Me, par Paul McCartney. Right through me, ooh, ooh, baby. respecte la tradition, 17e chanson, c'est la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou une fois les carrières en solo. Et même si eux, à l'origine, faisaient la cover de quelqu'un d'autre, comme de Chuck Berry ou de qui vous voulez, de Little Richard par exemple, pourquoi pas. Et bien là, celui qui s'y colle, c'est Phil Collins. En 1981, il nous donnait sa version sur l'album Face Value de Tomorrow Never Knows. Le voici. Et il faut reconnaître que c'est pas évident de s'attaquer à cette chanson-là. Et je trouve qu'il a donné une sauce un petit peu de Genesis à cette chanson-là, mais ça passe. C'est bien, c'est une bonne version, j'aime bien. La chanson suivante, vous savez que c'est la rubrique créée en, pour cette nouvelle saison, la chanson... en plus, la chanson qui est faite par le fils d'eux, ou par qui sonne comme... Genre, ça ressemble aux Beatles, mais c'est pas les Beatles d'ailleurs. peut-être pour la prochaine, je vous proposerai un groupe qui s'appelle Freiheit, qui avait fait dans les années 80 une chanson qui m'avait fait croire que c'était Paul McCartney alors que c'était pas lui. Bref, on en reparlera. Ici, c'est bien le fils de John Lennon, Julian Lennon, qui nous chante en 1986 sur l'album qui venait du musical Time. Donc, cette chanson qui s'appelle Because. Et c'est sur RIG, enfin, en temps normal, c'est sur RIG 90.7 www.rigfm.fr. Là, c'est sur le podcast, puisque pendant le couvre-feu, puisque je ne peux pas aller à la radio, je vous le propose directement au podcast. It's right that I should care about you. Try to make you happy when you're blue. It's right, it's right to feel. Because I eyes, I only had to open my mind. Seize the day, seize the day, seize the day, seize the day, seize the day. I don't care to be mad, I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos can turn to frozen ice when the cold days come. J'avoue, c'était encore extrait de McCartney 3, mais je l'écoute en boucle en ce moment, McCartney 3, donc ça me faisait très très envie. Les arrangements post-mort de John Lennon sont signés George Martin, qui a fait ça pour cette musique qui au départ n'était que piano, voix et boîte à rythme. C'est une démo qu'il avait préparée pour un album futur qu'il n'a pas eu le temps de faire. Et cette chanson, il avait dit, ce serait bien pour Ringo. Et Ringo, quand il a su ça, il l'a reprise sur son avant-dernier album avec Paul McCartney à la basse. Et un petit morceau, un petit thème de George Harrison, histoire de se dire, les quatre étaient là sur ce coup-là. Voilà, c'était sympa. Je vous propose l'album de la semaine, encore une fois. L'album de la semaine avec ce bon, bon, très bon rock. Non, c'est pas So Glad to See You Here, pas encore. C'est To You sur RIG, dans la saga des Fab Four. Tonight, Let's go back, back, back, back, back. So buy every rock and roll book on a magazine stand. Every dime that he gets is off to the jukebox man. Well, he worries and teases her till at night she's ready to boot. From rocking and a rolling, spinning and a hula hoop. Well, it's rock and roll. Junior, behave yourself. Ow! Juste après To You de l'album de la semaine, il y a eu Yes It Is des premières années des Beatles, les années dans lesquelles il y avait des harmonies vocales absolument fantastiques. C'est la phase B de la chanson Ticket to Ride, sortie en 1965. Et puis à l'instant, Bad Boy, toujours en 1965, un single. Rappelez-vous que dans ces époques-là, les Beatles faisaient 2-33 tours par an, des singles qui n'étaient pas sur les 33 tours, des films, Help, par exemple, pour 1965, et des tournées. Et à part ça, certains disaient qu'il ne faisait pas grand-chose, notamment John Lennon quand il avait sorti la chanson « I'm only sleeping ». Faut pas exagérer, quand même. Il travaillait 48 heures par jour, à peu près, les Beatles. Mais c'est bien. Mais c'est très très bien pour nous. Tant mieux. Je vous propose Ringo Starr, qui est toujours là aussi. En 2021, il sort un nouveau EP. C'est de sa volonté, lui. Il a dit « Je ne vais plus sortir de... » C'est décomplé, je vais sortir des petits trucs de temps en temps, comme ça, juste pour rigoler. Eh bien, en 2021, il va sortir ça, c'est un CD 4 ou 5 titres, je crois, là je ne l'ai pas sous les yeux. Le premier extrait qu'il nous a proposé, l'album s'appellera Zoom, il va sortir. Le premier extrait qu'il nous a proposé, c'est Here's the Night, The Nights même d'ailleurs, pour être précis, avec Paul McCartney avec lui. Here's to falling on your face. getting back up and winning the race as to taking it to extremes, never losing faith in our crazy dreams. Before it's too late.

decay performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 Somersets he'll undertake on solid ground. Thing being some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill. Troisième single pour l'année 1965, c'était pas une face A, une face B, c'est une double face A avec Daytripper comme autre chanson à l'instant. We Can Work It Out. Auparavant, le fantastique album Love sorti en 2006 avec cette idée de reprendre des chansons des Beatles, de reprendre ce qui existe, mais de tout mêler ensemble artistiquement, puisque là, la chanson, ça donne un plus, c'est vraiment très très très bien. C'était Being for the Benefit of Mr. Kite, plus autre chose. Et bon, moi j'adore, je suis très très très fan. Comme de cette chanson extraite d'un album paru récemment, hein, au mois de décembre. C'est le dernier, promis. Winterbird, When Winter Comes, Paul McCartney, extrait de l'album McCartney 3. J'adore. La chanson est enregistrée en 1992, d'où la belle voix. «

hip or the dope or the cat with most hope, the pill or pill more. That person shoving, ringing on my bell. Not for me tonight, why don't you come? Please, Odell. Why don't you call me Miss Odell? Austin 6922. Yeah. encore? Allez, encore. Une dernière de George Harrison. Cette chanson, George Harrison l'avait créée sur la fin des années 60 et c'était un petit peu tourné contre Paul McCartney quand même. C'est plus facile, dit-il, de critiquer quelqu'un d'autre plutôt que de se voir soi-même. C'est plus facile de chercher un bouquin sur une étagère que de voir qui on est, etc. Bon, il a sorti en 1976 sur l'album 33 and One Third et après, à ce moment-là, les vacheries étaient passées, quoi. Hein ? C'est une belle chanson, on n'est pas obligé de savoir que c'était critiqué, enfin que c'était contre Paul McCartney, voilà. Allez, une dernière pour la route. Voici en 1973. Tu as 16 ans, tu es belle et tu es à moi. On ne pourrait plus chanter ça maintenant. Ah ouais, on aurait tout le temps toutes les associations, machin, truc, chouette sur le dos. Come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine, all mine. You're all ribbons and curls, ooh, what a girl, eyes that sparkle and shine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love all the night we met. You touched my hand, my heart went pop. Ooh, when we kissed, I could not stop. You walked out of my dream, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Yeah. Cool. Je sais, c'est déjà fini, mais c'est comme ça. On se retrouve une prochaine fois. J'espère que vous avez aimé cette émission. J'espère que vous en parlerez en 2021 autour de vous pour dire aux gens qui ne connaîtraient pas la saga des Fab Four que ça existe, que c'est en principe sur une radio qui s'appelle RIG 90.7 et que ça s'écoute sur www.rigfm.fr. Mais que tant qu'on est en couvre-feu, eh bien, c'est en podcast directement, écoutable et téléchargeable sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et sur plein d'autres d'ailleurs plateformes, puisqu'il y a Deezer, il y a Facebook Podcast, enfin plutôt iTunes Podcast et puis d'autres que j'ai oublié mais que vous pouvez trouver. Demandez La Saga des Fab Four, essayez de chercher. De toute façon, si vous êtes sur le groupe La Saga des Fab Four, vous avez le visuel de là où on peut repérer les podcasts. Merci à vous et à très très bientôt. Salut. Out in the cold, and I taught myself to believe every story I told. It was fun hanging under the moon, heading into the sun. But it's been too long, now I wanna come home. Came so close to the edge of defeat. But I made my way in the shade, keeping out of the heat. It was fun shooting out of the stars, looking into the sun. But it's been too long, now I wanna come home. Home, where there's nothing but sweet surrender to the memories from afar. Home to the place where the truth lies waiting. We remember who we are. For too long I was out of my own. Sun, but it's been too long. Now I wanna come home. Thank you.